Science Chrono, Antoine Beauchamp. En 1972, le juriste américain Christopher Stone signait un article intitulé « Should trees have standings ?» En français, « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?» Cet article aux arguments juridiques est original en ce qu'il affirme que les entités naturelles, comme des personnalités morales, doivent avoir le droit de se défendre en justice et ainsi éviter d'être endommagées ou détruites. À l'heure où des fleuves acquièrent le statut de personnalité juridique, Science Chrono revient sur ce texte clé dans l'histoire de la défense de l'environnement. Catherine Larère, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous signez la postface de la réédition aux éditions du Passager clandestin de cet article de Christopher Stone, paru en français sous le titre « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?». Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce texte qui a eu une grande importance dans l'histoire du droit environnemental, mais qui témoigne aussi d'une certaine prise de conscience plus globale de l'importance de la défense de la nature pour le bien-être humain. On va parler ensemble de cet argumentaire développé par Christopher Stone, qui se prononce en faveur de l'octroi de droits aux entités naturelles. Et on va aussi, évidemment, parler de l'influence qu'a eu ce texte dans l'histoire du droit. Mais pour bien commencer ce nouvel épisode de Science Chrono, je vous propose d'entendre la voix de Christopher Stone. En 2013, il accordait un entretien à l'Université de Californie du Sud et il rappelait les raisons de l'écriture de son article. Walt Disney Enterprises had proposed to develop Mineral King Valley. By develop, I mean put in motels and restaurants. Walt Disney Enterprise avait proposé de développer la Mineral King Valley en y installant des motels, des restaurants et d'autres choses dans ce genre. Le Sierra Club a contesté le permis autorisant cette exploitation. L'affaire a été portée devant la cour d'appel et le service des forêts a dit « Écoutez, vous, le Sierra Club, n'avez pas la possibilité d'agir. C'est peut-être une erreur de délivrer le permis, mais vous n'êtes pas lésé. En tant que club, vous n'êtes pas lésé. » Lorsque j'ai vu cette affaire, j'ai pensé que c'était d'une certaine manière un peu stupide. Il s'agit d'une décision importante concernant un tel développement de la Mineral King Valley. Je ne suis pas sûr de la manière dont elle devrait être prise, mais elle devrait au moins être entendue. Et si le problème est que le club n'a pas été lésé, qu'il n'a subi aucun préjudice, pourquoi ne pas dire que le préjudice est subi par la Mineral King Valley ? Lorsque l'affaire a été jugée, la majorité de la Cour suprême s'est rangée à l'avis de la Cour d'appel. Mais le juge Douglas a déclaré « Pourquoi ne pas suivre essentiellement la position de Stone et laisser la Mineral King être le plaignant ? Laisser cette affaire s'intituler « Mineral King contre le ministère de l'Intérieur ». L'accueil qui a été réservé à notre proposition m'a davantage surpris qu'il était chaleureux. Les gens aimaient l'idée que nous devrions parler au nom de la nature, que la nature devrait avoir sa propre voix. Et lorsqu'ils ont compris que même si la nature ne peut pas s'exprimer, les entreprises ne peuvent pas s'exprimer, les États-nations ne peuvent pas s'exprimer, alors ils engagent quelqu'un, ils ont un avocat pour parler en leur nom. Je ne peux pas placer ces arbres dans une sorte de chaîne de causalité. Les idées se bousculent et se déplacent ici et là, d'un côté à l'autre de la société. Mais d'une certaine façon, de plus en plus de gens se préoccupent de l'environnement. Les groupes de défense de l'environnement reçoivent plus d'argent, les lois sur la protection de l'environnement sont de plus en plus nombreuses, et le fait qu'après 40 ans, le sujet attire toujours l'attention et que les gens veuillent encore parler est gratifiant. Voilà la voix de Christopher Stone doublée par Alexandre Morales. Catherine Larère, qu'est-ce qui, dans ce propos de Christopher Stone, vous interpelle en premier lieu ? Alors, bon, d'abord, je crois qu'il résume bien la situation, c'est-à-dire l'entreprise Walt Disney voulait faire une station de sport d'hiver. Alors, il dit Mineral King Valley, ce qui ne parle pas sans doute à des Français, c'est en Californie, et il y a des séquoias. Et les séquoias, c'est l'arbre iconique de la nature, parce qu'ils sont très anciens, parce qu'ils sont là bien avant les colons, etc. Et donc, à partir de là, la plus ancienne organisation non gouvernementale de protection de la nature, le Sierra Club. On est en 1971. Au moment du lancement du projet. Le Sierra Club, il est fondé à la fin du 19e siècle. Donc, il a déjà 100 ans de bataille. Il est très connu. Bon, fait une action contre ce projet de Walt Disney et débouté au motif qui a été rappelé que ils n'étaient pas personnellement lésés, que les membres du Sierra Club n'étaient pas atteints par cette décision. Et c'est là qu'intervient Stone en disant oui, peut-être le Sierra Club, les membres ne sont pas atteints, mais les arbres, les séquoias de la Mineral King Valley, eux, ils vont être coupés. Et donc, s'ils pouvaient aller en justice, comme on dit, eh bien, à ce moment-là, leurs intérêts seraient représentés et il y aurait une décision qui tiendrait compte de leurs intérêts. Il y a deux choses qui m'interpellent dans ce que vous dites, Catherine Larère. C'est d'abord le fait que le Sierra Club traduit d'une certaine façon une tradition très nord-américaine de rapport à la nature avec ses ONG. On peut rappeler dans quelle filiation s'inscrit ce Sierra Club avec le nom de John Muir et comment finalement là s'établit un rapport très particulier à l'environnement nord-américain. Alors, c'est effectivement une longue tradition. John Muir est un de ceux qui a fait découvrir ce que nous appellerions la nature sauvage, en particulier les marais californiens, les marais de Floride. Rien de très beau, je veux dire, mais de la nature brute. Ce qu'eux, ils appellent wilderness, les Américains appellent wilderness, d'un mot qui vient de la Bible, d'ailleurs, qui veut dire une nature qui n'a pas été touchée, qui n'a pas été dominée, qui n'a pas été envahie par les hommes. Et cette tradition de protection de la nature que les colons ont détruite démarre dans le nord, là où effectivement la nature est déjà détruite et où quelqu'un comme Henry David Thoreau, l'auteur de Walden, mais aussi de la désobéissance civile, est un des premiers à dire cette nature, faut la conserver. John Muir s'en fait l'avocat, l'a fait découvrir. Alors je dis les Everglades en Floride, mais aussi là au nord. Et donc c'est une tradition ancré, alors peut-être dans une Amérique qui est plutôt urbaine, plutôt aisée. Éduquée aussi. Mais il y a, au moment où l'affaire de Mineral King Valley éclate, il y a déjà presque 10 ans, en 1964, a été voté le Wilderness Act, c'est les textes juridiques de protection de la nature, et donc se donne pour objet de protéger Wilderness. C'est quoi? C'est une nature dont les processus naturels ne sont pas entravés et où l'homme n'est qu'un visiteur temporaire. Donc c'est dans une longue tradition, plus de 100 ans, de défense de cette nature vue comme la vraie nature. Alors là-dedans, comment s'intègre l'article de Christopher Stone? À quel moment il intervient, sachant que le Sierra Club est débouté par la cour d'appel? Mais il y a quand même des juges qui sont sensibles à la requête du Sierra Club. Et qu'est-ce que va proposer concrètement Christopher Stone? Alors, ils sont sensibles à la requête du Sierra Club. Plus précisément, quand la Cour suprême déboute le Sierra Club, mais on peut dire que Walt Disney renoncera. Le projet ne s'est pas fait, c'était trop compliqué. C'était trop cher, et Mineral King Valley sera classé en espace naturel protégé. Ce qu'il y a, c'est que Stone a publié un article, publié dans la revue de juridique de Californie du Sud, et où il donne l'argument qu'il donne. Bon, puisque on peut pas, les intérêts humains ne suffisent pas à défendre des séquoias comme ceux de la Mineral King Valley, eh bien, que les séquoias de la Mineral King Valley soient représentés au tribunal pour défendre leurs intérêts. Et c'est cet article, que vous citiez au début de l'émission, qui va être, alors, l'idée, il est pas, personne n'est jamais le premier à avoir bien une sûr. Idée. Mais disons que l'article existe, il est lu, et l'opinion dissidente, l'opinion minoritaire du juge Douglas dont il parle, a fait beaucoup, à mon avis, pour la très grande célébrité. Il dit « Je propose tout à fait sérieusement que l'on donne des droits juridiques aux forêts, aux océans, aux rivières et autres objets dits naturels de l'environnement, en fait, à l'environnement naturel dans son ensemble. » Et l'introduction de ce texte « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?» est mise sous un titre « L'impensable ». Et cet impensable, il dit finalement, on l'a déjà pensé pour d'autres personnalités juridiques, morales, les femmes, les minorités. Est-ce que c'est si habile que ça, finalement, d'inclure dans une continuité les droits de la nature, les droits des femmes, les droits des minorités? Bah, c'est l'argument qu'il donne, il n'est pas le seul à le donner. Hein. Alors, l'impensable, il dit, mais ça s'est déjà fait, et l'exemple, c'est les femmes. Ouais. Hein, c'est tout, avant la nature, c'est toujours les femmes. Et si on l'a accepté pour les femmes, pourquoi on l'accepterait pas pour la nature? Donc, l'argument, il existe, il est repris, parce que l'article de Stone paraît en même temps que d'autres articles qui, eux, vont fonder plutôt les droits moraux de la nature, l'éthique environnementale, la question de la valeur intrinsèque, mais tout ça va... Et puis aussi, au même moment, l'idée de libération animale, 72-73, et... L'idée qu'on va en tirer, qui est celle de Nash dans l'article, et qui est celle d'un spécialiste justement d'histoire de la wilderness, mais qui fait une histoire des droits de la nature, et il le présente sous l'image du cercle qui s'étend sans arrêt, hein, ever widening circle, et donc un cercle qui est passé des hommes en général, qui a inclus les femmes, les noirs, et puis qui franchit ce qu'on appelle la barrière des espèces, qui se passe, et à ce moment-là, on va y mettre les animaux, des entités naturelles, et puis comme il termine, hein, l'environnement comme un tout. Ce qui est intéressant, c'est que dès l'introduction aussi, il fait référence à Darwin et à la filiation, au texte La filiation de l'homme, où il dit que finalement, il y a une espèce de prolongement moral dans le fait d'étendre les droits de façon plus générale, comme vous le disiez à l'instant. Et c'est intéressant qu'un juriste se place sous le patronage de Darwin. Là aussi, il y a une filiation intéressante. Alors, le problème, c'est que Stone a prétendu, après, qu'il ne connaissait rien à l'environnement quand il a fait cet article. J'en doute un peu. Hein. Alors, on voit effectivement qu'il ne connaît pas des arguments qui n'ont pas encore été donnés, mais le contexte est là. Et le contexte, effectivement, c'est qu'est-ce que Darwin nous apprend, c'est que nous sommes, l'humanité n'est pas à part du reste du vivant. Donc, on va le citer, et c'est un juriste qui connaît un peu d'histoire des sciences, quoi. Autre chose aussi qu'il faut rappeler, vous parliez tout à l'heure vous utilisiez le terme de contexte. Ce contexte en 1972, il est particulièrement chargé. On peut rappeler aussi dans quel cadre s'inscrit cette réflexion de Christopher Stone, qui là aussi n'est pas le seul à se dire bon, il est temps de repenser notre rapport à l'environnement. Oui, alors je disais, l'article d'un Australien, Routley, sur nous avons besoin d'une nouvelle éthique environnementale, parce que en gros, si on s'en tient aux éthiques existantes dans lesquelles il y a que des devoirs entre les humains, des droits et des devoirs entre les humains, eh ben on peut pas prendre en compte la nature. On va considérer que détruire par exemple des séquoias, c'est aussi mal que d'attaquer des humains. Donc il faut pour ça, il faut d'autres normes éthiques ou juridiques. Donc il y a Routley et l'article sur le besoin d'une nouvelle éthique environnementale. Il y a dans un supplément du New York Times Review of Books l'article de Peter Singer sur la libération animale, qui est peut-être encore plus connu. Ça aussi, c'est 72-73. Et puis il y a l'article, alors là, c'est ni un Américain ni un anglophone, mais il écrit en anglais, c'est Arne Næss, hein, le Norvégien, qui publie le fameux article qui va introduire l'idée de deep ecology, hein, d'écologie profonde, opposée à shallow, à une écologie superficielle. Et là aussi, où il dit qu'il y a un droit égal de tous les vivants à bénéficier d'une attention et pas être traité comme des choses. 1972, c'est aussi l'année de la parution du rapport Meadows, auquel on a consacré un épisode de Science Chrono. Je vous invite à le réécouter. C'est aussi l'année de la première conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm. Donc il y a un contexte qui est particulièrement foisonnant autour de cette réflexion sur la réévaluation de notre rapport à la nature et à l'environnement. Concrètement, comment est-ce que une forêt de séquoia peut-elle se défendre, Catherine Larère? Et qu'est-ce que propose Christopher Stone d'un point de vue technique et juridique, puisque c'est un texte très juridique, pour que ces types d'entités naturelles puissent se défendre? Alors, techniquement, il y a une première question qui vient immédiatement, qui est, bon, les arbres vont pas marcher, on n'est pas dans Macbeth, ils vont pas se mettre à marcher et aller au tribunal. Bon, mais c'est le cas aussi des enfants, des vieillards, et puis de ces artefacts que sont une entreprise ou, comme il dit, un État-nation qui peuvent être... Donc, ils peuvent être représentés. Ça, c'est une première chose. Alors, pour qu'on puisse dire qu'il y a vraiment, que, mettons, des arbres et des droits juridiques, il faut donc qu'ils puissent être représentés pour eux-mêmes en justice. Hein. Le Sierra Club intervenait pour le Sierra Club, pas pour les arbres. Donc qu'ils puissent être représentés pour eux-mêmes, que le tort pris en considération soit le tort qu'on leur fait à eux, hein, qu'on coupe par exemple à un séquoia, le séquoia il meurt, et que ça ne soit pas un tort indirect du genre « Ah ben j'ai plus une belle vue parce que… » etc. Et que si y a des dommages et intérêts à payer, ça soit sur un fonds qui leur soit spécialement destiné. Donc il faut vraiment qu'ils soient reconnus comme entité. Voilà. C'est pas absurde, hein. C'est pas absurde, pour certaines personnes ça l'est, parce que ce qui est intéressant dans l'archive qu'on écoutait tout à l'heure, Catherine Larrère, on entendait Christopher Stone dire gentiment, j'étais très très content de la réception chaleureuse des gens à cet article. Bon, il a vu le verre vrai, à moitié hein, plein, mais il y avait aussi beaucoup de critiques. Il y a eu une série d'articles, alors aussi bien aux États-Unis que dans le monde, et aussi bien de juristes que de philosophes. Hein, en France, le livre de Luc Ferry qui paraît en 1992 et qui est une condamnation de tous ces mouvements. Le nouvel ordre écologique. C'est typique, et je dirais c'est typique d'une argumentation qui dit « il ne faut pas le faire parce que ça ne se fait pas ». C'est-à-dire que... voilà. Ce qui, pour le coup, en termes de droit, est assez surprenant, parce que s'il y a bien une discipline et une science qui s'adapte tout le temps à un contexte, etc., c'est bien le droit. Là, il y avait un argumentaire très figé. Pour ça, les juristes, aussi bien que les philosophes, font appel à une sorte de méta-principe. Hein, et le méta-principe, c'est ce qu'on appelle la summa divisio entre les personnes et les choses. Hein. Et il n'est pas question qu'on fasse entrer des éléments qui sont dans la catégorie des choses à les mettre dans la catégorie des personnes. C'est à ça que ça revient. Et c'est à ça que s'opposent du coup tous ses adversaires à Christopher Stone, c'est justement le fait que la nature reste de l'ordre des choses, de l'objet, et ne peut pas devenir une personnalité morale. Or, c'est quelque chose qui aujourd'hui évolue, continue d'évoluer beaucoup. Ce qui est intéressant dans cet article de Christopher Stone, finalement, c'est que ça nous met face à toute une considération héritée de longue date vis-à-vis de la nature, que nous, humains, on se place au sommet d'une pyramide des vivants et qu'on ne veut pas en descendre, on ne veut pas descendre de cette... Oui, on ne veut pas en descendre. Est-ce que même on se place au sommet d'une pyramide ou est-ce qu'on se place dans un domaine complètement séparé, ouais. Hein, parce qu'il y a toujours cette idée, on ne franchit pas la barrière, donc l'idée d'une séparation qui continue à être maintenue. Mais de fait, les choses changent et y a maintenant non seulement une demande de droits, mais des droits effectifs. Alors ça, on peut parler de la postérité de cet article-là, parce qu'elle est grande, importante. On la mesure chaque mois, chaque année en tout cas. Il y a des fleuves, par exemple, qui vont acquérir des droits juridiques. Est-ce qu'on peut dire que si ces fleuves, par exemple en Nouvelle-Zélande, ont acquis des droits, c'est grâce à Christopher Stone? Indirectement, peut-être. Mmh. Hein. 2017, hein, Wanganui, donc assez longtemps après l'article de Christopher Stone. Mais on peut dire que l'article de Christopher Stone, et je vous dis, le fait que le juge Douglas ait donné une opinion favorable et repris des arguments de Christopher Stone, c'est-à-dire, en termes techniques, il entre dans la doctrine. C'est dans l'élaboration du droit et pas seulement dans le commentaire extérieur. Ouais. Donc c'est extrêmement important. Parce que le juge Douglas, c'est quand même un juge de la Cour suprême aux États-Unis. C'est un juge de la Cour suprême. C'est une des instances les plus importantes. Voilà, et puis c'est du droit, ouais. c'est pas du commentaire sur le droit, c'est du droit. Bon, à partir de là, il va y avoir toutes ces réceptions négatives dont on a parlé, mais il va y avoir aussi beaucoup, il y a des associations qui vont se créer pour les droits de la nature, il y a Natural Rights, Wild Law, enfin il y a un certain nombre, elles sont, comme beaucoup de grandes ONG anglophones, elles ont certainement jouer un rôle direct dans... Alors, on reviendra au Wanganui, à la Nouvelle-Zélande, mais il y a aussi beaucoup... On cite beaucoup l'Amérique du Sud, hein, l'Équateur, la Bolivie, il y a récemment le Panama, donc Pachamama, qui reconnaissent la nature comme sujet de droit. Alors, il y a deux choses, et qu'on va retrouver dans le Wanganui, il y a eu certainement un rôle de conseiller des grandes associations internationales de promotion des droits de la nature. Il y a aussi des traditions indigènes ou autochtones des cosmovisions précolombiennes, qui n'ayant pas cette division dont nous parlions, ça ne les gêne pas de parler de la terre-mère, hein, Pachamama, de la terre-mère, et de la reconnaître comme il faut lui reconnaître des droits. Hein. Ouais. Alors, je pense que pour le Wanganui, on a peut-être moins directement une influence des associations internationales, mais on a une longue lutte. Wanganui, c'est le nom d'un fleuve, ce fleuve qui est reconnu, auquel le Parlement néo-zélandais reconnaît une personnalité juridique. Et Wanganui, c'est aussi le nom de la population maori qui représente qui vit autour, coup qui est reconnu comme représentant. Ouais. Et ça, c'est une longue tradition de la population maori, enfin des populations maori en Nouvelle-Zélande, qui ont été moins maltraitées quand même que les aborigènes australiens. Hein, il y a les néo-zélandais, les colons néo-zélandais sont un petit peu mieux comportés avec les maoris que les australiens. Et donc, il y a une longue tradition. Et ça a été une longue tradition de lutte pour faire représenter leurs droits, et ça a été un des points de cette lutte, hein, de faire reconnaître que c'est leur milieu de vie. Et c'est la grosse différence avec Stone. Ouais. C'est que Stone protège ce qu'il appelle une wilderness, c'est-à-dire une nature où il n'y a, pour ainsi dire, pas d'humains. Tandis que là, les humains et le fleuve se défendent ensemble. Sont très présents. Ce qui est intéressant dans cette histoire de l'article de Christopher Stone et ses répercussions directes ou indirectes, c'est qu'on assiste quand même à une rupture, bien sûr, juridique d'abord, mais aussi une rupture symbolique. Le fait que dans les mentalités, voilà, là on le voit avec de façon très institutionnelle des fleuves qui deviennent des personnalités morales, ça c'est quelque chose qui, malgré tout, reste encore abstrait, d'une certaine façon, reste compliqué à comprendre quand notre modèle, c'est un modèle de droit occidental, très centré sur des objets naturels, si je puis employer ce terme-là, très défini. Oui, mais on peut dire, d'une part, alors c'est ce que fait remarquer Marie-Angèle Hermite, qui est une juriste, une des premières en France à avoir introduit ce genre de débat, on peut dire que on conserve quand même la distinction des personnes et des choses. C'est-à-dire qu'on ne dit plus la distinction est abolie, on dit on peut considérer un fleuve comme une personne et non comme une chose. Donc l'ordre juridique, d'une certaine façon, il reste là. Il est occidental. Hein. Et c'est d'ailleurs souvent pourquoi les traités qui ont été, je pense à la Nouvelle-Zélande, à l'Australie, les traités qui ont été passés avec des populations autochtones, les populations autochtones n'ont pas compris grand-chose parce qu'ils ne raisonnent pas comme ça. Bien sûr. Et donc on est vraiment dans un hybride. C'est-à-dire qu'à la fois l'idée juridique, on passe par le tribunal, etc., donc toute une conception qui vient de l'histoire occidentale, etc., mais en même temps, elle est en train d'admettre des choses que jusque-là, elle n'admettait pas vraiment, et donc ça bouge un peu. Ça bouge un peu, par exemple en France, où on a d'autres exemples. Moi, je pense par exemple au Parlement de Loire. Est-ce que peut rattacher aussi ce type de réflexion collective à l'article de Christopher Stone ? À l'article de Christopher Stone, peut-être plus directement au Wanganui, donc tout est lié, mais à cette idée que les droits ne sont pas limités aux seuls humains. Alors, le Parlement de Loire, ça a été une série d'auditions qui ont été faites dans des villes autour de la Loire, Orléans, Blois, Tours, etc. C'est un écrivain, Camille de Toledo, qui s'en est beaucoup occupé. Et bien sûr, il l'a fait sur le modèle de Stone. Mais ce qui est... j'ai été auditionné, comme on dit. Bruno Latour avait été auditionné. On ne savait pas toujours si le Parlement, c'était le Parlement au sens de l'ancien français, le tribunal, ou si c'était le Parlement au sens d'une assemblée. Donc les discussions étaient là-dessus aussi. Mais ce qui était intéressant, c'est que ces auditions, il y avait beaucoup de gens qui venaient. Ça a été interrompu un peu par le Covid. Ça s'est arrêté juste avant le Covid. Et ça a repris après. Mais les gens venaient, ça les intéressait, on discutait de tout ça. Donc, on n'était pas, ça s'est pas terminé par une décision juridique. Mais pour ce qui est de des mentalités, de l'intérêt était visiblement grand. Aujourd'hui, Catherine Larère, alors le droit, c'est une discipline, une science qui évolue particulièrement vite, en tout cas qui est beaucoup plus plastique peut-être que d'autres disciplines. Dans l'article de Christopher Stone, moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est que finalement, des considérations pour des savoirs biologiques, anthropologiques sont peut-être abordés de loin. Est-ce qu'on peut dire que l'article de Christopher Stone a dépassé, lui, le champ du droit pour aller inspirer des chercheurs en sciences de l'environnement, en anthropologie, en biologie éventuellement ? Disons, il inclut des raisonnements scientifiques, des références scientifiques. Je dirais plutôt que ça montre que c'est aussi une des conséquences de cette extension du droit. On ne peut pas le faire sans une interdisciplinarité au moins, hein, c'est-à-dire qu'il y ait des biologistes, qu'il y ait des écologues, qu'il y ait aussi des sociologues, parce qu'il y a aussi des populations humaines, et puis des philosophes, parce que ça ne fait pas de mal d'en mettre un peu. Hein. Et donc, cette idée qu'on ne peut pas faire du droit en ignorant complètement ce qui se passe à côté. Et ce que je trouve important, c'est que, bon, si on prend, c'est arrivé en Europe, hein, les droits des entités naturelles, et il y a un Mar Menor en Espagne, une lagune en Andalousie, à qui on est en train de reconnaître des droits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un conseil scientifique, qui est adjoint, et qui donc donne un sens à ce qui autrement resterait juste un mot. Quoi. Alors, je ne sais pas si les juristes font de la bio et si les biologistes font du droit, mais ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble à défendre les entités naturelles. Alors, ça ne les sauvera peut-être pas complètement de certains dommages irréversibles. Mais en tout cas, cet article de Christopher Stone nous a permis d'acquérir un outil supplémentaire pour protéger et défendre l'environnement et la nature. Merci beaucoup en tout cas à vous, Catherine Larère, d'être venue nous parler de ce texte fondateur. Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ? C'est disponible en français aux éditions du Passager Clandestin. Merci bien. Forest par The Cure. Un grand merci à Eve Etienne et à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Sabine Dahuron de l'INA, notre partenaire, pour son aide dans la recherche d'archives. Et merci à Anthony Thomasson, aujourd'hui à la technique. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.